إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 27. Ouais, donc aujourd'hui c'est le cours numéro 27 dans le dars qu'on a commencé sur Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Aujourd'hui on est arrivé au chapitre Babun Fima Yushra'u Lil-Imami Fi Salah, c'est-à-dire le chapitre en ce qui concerne qu'est-ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de l'imam pour la salat. Le Cheikh il dit الإمام عليه مسؤولية عظمى وهو ضامن وله الخير الكثير إن أحسن وفضل الإمامة مشهور تولاها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه ولم يختاروا لها إلا الأفضل وفي الحديث ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل أما قوما وهم به رادون الحديث والحديث الآخر أن له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه. Donc le cheikh il mentionne le hadith. En fait il dit que l'imam c'est une responsabilité énorme et que la personne qui est imam il est garant pour la prière des gens, donc c'est une grande responsabilité et il a un grand bien, il aura une grande récompense s'il prend bien sa responsabilité. Le mérite de l'imam est très connu, personne ne l'ignore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'avait pris cette position ainsi que ses successeurs et ils n'ont choisi pour cette position que le meilleur. Et il mentionne le hadith qui est da'if, qu'on avait mentionné la semaine passée, donc pas besoin de le répéter. Et après il dit وَمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْكَفَاءَ فَلَا مَانِعَ مِنْ طَلَبِهِ لِلْإِمَامَةِ فَقَدْ قَالَ أَحَدُ الصَّحَابَ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَقْتَضِي بِأَضْعَفِهِمْ. Cheikh a dit, celui qui connaît de lui-même, celui qui pense qu'il est apte à être un imam et qu'il a les qualités nécessaires, c'est permis pour lui de demander cette position-là. Parce qu'un des sahaba a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mets-moi comme imam pour mon peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors tu es imam pour eux, mais prends comme, base-toi sur le plus faible d'entre eux. Lorsque tu fais ta prière, prends comme critère pour établir ta prière le plus faible parmi les gens. Hein? Si tu vois qu'il y a parmi eux des personnes qui sont plus âgées, ou qui sont malades, ou fatiguées, ou des choses comme ça, tu les prends en considération pour faire la prière et donc tu fais pas ta prière trop trop longue pour, disons, nuire à ces personnes-là qui sont plus faibles parmi eux. Et après, il mentionne le hadith qui dit, il mentionne une ayah qui dit, وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. C'est-à-dire que les choses qui sont également, qui témoignent de ça également, dans le Coran, il y a le verset dans Surat al-Furqan, le verset 74, qui dit « Et mets-nous comme imam ou comme guide pour les pieux. Place-nous comme des guides pour les pieux. » Ou fais de nous des guides pour les pieux, pour les gens qui sont muttaqin. Le cheikh il dit ensuite, وَيَنْبَغِي لِمَنْ تَوَلَّ الْإِمَامَ أَنْ يَهْتَمَّ بِشَأْنِهَا وَأَنْ يُوَفِّيهَا حَقَّهَا مَا اسْتَطَعَ وَلَهُ فِي ذَلِكَ الْأَجْرُ الْعَظِيمُ وَيُرَاعِي حَالَةَ الْمَأْمُومِينَ وَيُقَدِّرُ ظُرُوفَهُمْ وَيَتَجَنَّبُ إِحْرَاجَهُمْ ويرغبهم ولا ينفرهم عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ولا فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الشيخ الزي que celui qui a pris la position de l'imam, il doit s'en occuper sérieusement et il doit lui donner son droit le plus qu'il en est capable, parce que il y a pour lui une grande récompense dans ça, et il doit prendre en considération la situation et l'état des gens qui prient derrière lui, et il prend en considération également et il est capable d'analyser leur situation et leur problème et leur situation, si jamais il y a des questions, des gens qui ont des problèmes spécifiques ou des situations spécifiques. Et il essaie le plus qu'il peut de ne pas les ennuyer ou de ne pas les mettre dans l'ennui ou dans l'embarras. Et il essaie de les rapprocher et de les inciter à faire le bien. Et il évite de les faire fuir. En se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, lorsque l'un d'entre vous prie pour les gens, qu'il est imam dans la prière, alors qu'il fait sa prière, qu'il allège sa prière, qu'il ne la fasse pas trop longue et trop lourde. Parce que il y a des gens qui sont malades. Bon. Désolé. Non. Donc, le hadith, on était en train de lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith-là, il dit, lorsque l'un d'entre vous prie pour l'imam, il prie, et les gens prient derrière lui, alors qu'il fasse sa prière légère, parce que il y a derrière lui des gens qui sont malades et d'autres qui sont faibles et d'autres qui ont des besoins, c'est-à-dire ils ont des choses à faire ou des choses comme ça. Alors s'il prie tout seul, alors qu'il allonge sa prière s'il veut, mais quand il prie avec les gens, qu'il essaie de faire sa prière le plus léger possible. Ensuite, le cheikh il dit, ça c'est Rawahu al-Jama'a min hadith Abi Huraira. Donc, le cheikh il dit que ce hadith il est rapporté par al-Jama'a, c'est-à-dire la plupart des rapporteurs, al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi, al-Nasa'i et Ibn Majah. Donc, ils ont tous rapporté ce hadith. Ensuite, le cheikh il dit, wa fi sahihayn من حديث أبي مسعود أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. Ça c'est un hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ça dit: ô vous les gens, il y a parmi vous des munafirines, c'est-à-dire des gens qui font fuir les autres. Alors peu importe qui d'entre vous est imam pour les gens, alors qu'il essaie de raccourcir sa prière ou de faire sa prière plus courte, parce qu'il y a le faible, il y a la personne qui est plus vieille, plus âgée, et il y a également celui qui a un besoin. Et ça c'est, donc il faut prendre en considération l'état des gens qui sont derrière nous. Et également c'est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que des fois il avait l'intention de prolonger sa prière, puis lorsqu'il entendait un bébé qui pleure, alors il essayait de raccourcir la prière justement pour pas que la mère soit ennuyée par les cris de son enfant, et pour qu'elle puisse s'occuper de son enfant. Parce que, bien entendu, si son enfant pleure, elle ne peut pas se concentrer comme il faut sur la prière. Donc le cheikh dit: wa yaqulu Anas radiyallahu anhu ma sallaytu khalfa imamin qat akhaffa salatin ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Anas radiyallahu anhu. Ça dit: je n'ai jamais prié derrière un imam qui a une prière plus légère et plus complète que la celle du prophète صلى الله عليه وسلم. Et le cheikh dit: wa huwa al-qudwah fi dhalika wa fi ghayrihi. C'est-à-dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le modèle à suivre dans cette question-là et dans d'autres questions également. Ensuite, le cheikh dit: وقال الحافظ من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشتكي منه طويل لا يشتكى منه تطويل والتخفيف المطلوب هو التخفيف الذي يسحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها على الوجه المطلوب والتخفيف المأمور به أمر نسبي يرجع إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأمر به إلا لا إلى شهوة المأمومين. شيخ الزي que Al-Hafiz ibn Hajar il a dit: celui qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait qu'il faisait sa prière courte et parfaite et complète, donc personne se plaindra de lui d'avoir prolongé trop sa prière. Et le cheikh il dit que d'alléger la prière et de la raccourcir tel que c'est demandé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on allège la prière et on la fait plus courte, tout en gardant et en tenant compte parfaitement des piliers de la prière, ainsi que de ses obligations, ainsi que de ses sunan, c'est-à-dire les choses qui sont recommandées dans cette prière, de la façon qui est demandée de nous, yani par le Coran et la Sunna. Le cheikh il dit donc que le fait d'alléger la prière et de la faire moins longue, ça c'est quelque chose qui est un ordre qui est relatif en réalité, et qui revient à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi lui-même et qu'il a commandé, et non pas au désir des gens qui prient derrière toi. D'accord? Donc la question d'alléger la prière et de la raccourcir, c'est pas quelque chose qui se rapporte au désir des ma'moumines, des gens qui prient derrière toi seulement, mais qui se rapporte également à l'exemple à suivre, par l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une question qui est relative. Après le cheikh il dit: wa qala ba'd al ulama wa ma'na at-takhfif المطلوب الاقتصار على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة. Le cheikh il dit: certains parmi les ulama ont dit que la signification du tarfis, c'est-à-dire d'alléger la prière et de la faire moins longue, ça veut dire de se limiter à faire le minimum de perfection dans les questions, dans le tasbih et dans les autres parties de la prière. Donc de faire le minimum de la perfection, le minimum de ce qui est demandé. De la perfection, c'est-à-dire adna al-kamal. Après il dit wa adna al-kamal fi at-tasbih fi ar-ruku' wa as-sujud huwa an ya'tiya bi thalath tasbihat wa idha athara al-ma'mumun at-tatwil wa idha athara al-ma'mumun at-tatwil wa adaduhum yanhasir بحيث يكون رأيهم في طلب التطويل واحدا فلا بأس أن يطول الإمام الصلاة لاندفاع المفسدة وهي التنفير. Le Cheikh il dit que le minimum de la perfection dans le tasbih, dans le ruku' et dans le sujoud, c'est d'en faire trois fois. Subhan Rabbi al-Azim, trois fois, et Subhan Rabbi al-A'la, trois fois. Et le cheikh il dit que si les gens qui prient derrière sont, c'est-à-dire ceux qui prient derrière l'imam, s'ils aiment qu'on prolonge un peu plus, alors il peut prolonger, hein, il peut prolonger. S'il sait que leur opinion à ce sujet-là, c'est une opinion, disons, unie, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour que l'imam prolonge un peu, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème pour l'imam de prolonger un peu plus sa prière pour éviter un problème ou pour pas faire fuir les gens. Ensuite, le cheikh dit « قال الإمام ابن دقيق العيد قول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. Le Cheikh il dit que l'imam Ibn Daqiq al-Eid a dit que les fuqaha ont dit l'imam ne prolonge pas dans le recours et dans le sujoud plus que trois tasbih. Ils disent pas plus que trois fois Subhana Rabbi al-A'la ou Subhana Rabbi al-Azim. Et le Cheikh dit que ça, ce n'est pas en contradiction avec ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il rajoutait ou qu'il faisait plus que trois fois. Pourquoi? Parce que les Sahaba aimaient le bien. Et donc, le fait qu'ils aimaient le bien, ils aimaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam augmente et rajoute, et donc ça n'était pas considéré comme étant le fait de prolonger la prière. Et ça c'est la fin de la citation. Donc c'est là qu'on comprend que c'est une question relative par rapport aux gens qui prient derrière toi. Si ils aiment qu'on prolonge la prière, dans ce cas-là tu prolonges, et c'est pas considéré comme de prolonger trop long. Ça dépend des gens. Après le Cheikh dit, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس له أن يزيد على قدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا للمصلحة. شيخ الزيف كابن تيمية Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit que quelqu'un n'a pas à augmenter plus que ce qui est ordonné par la charia, et il doit faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en général le plus souvent. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus souvent il prolongeait, dans ce cas-là il prolonge, et si dans certains cas il faisait court, alors en général il le fait court également en général, et ensuite il analyse selon la situation. Si c'est nécessaire de faire plus, il fait plus, et selon la situation, si c'est nécessaire de faire moins, il fait moins comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait à son époque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois, selon la situation, il analysait les choses, il voyait que si c'était mieux de prolonger, il prolongeait, et si c'était mieux de raccourcir, il raccourcissait. Ensuite il dit نعم وقال النووي قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المؤمنين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول بهم وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيسمع بكاء الصبي فيخفف كما ثبت ذلك في الصحيح انتهى كلامه. Donc le cheikh ici il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'imam an-Nawawi il a dit que les ulama ont parlé au sujet de la différence en ce qui concerne la longueur de la récitation. Et il dit que la différence qui existe en ce qui concerne la longueur de la récitation dans les hadiths, eh bien, ça montre que c'est selon la situation. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait selon l'état et la situation des croyants, par exemple, à un certain moment, il préférait qu'on prolonge la prière, alors il prolongeait. Puis, dans un autre moment, il voyait que c'était mieux, ou il préférait, disons, pour une raison quelconque ou une excuse quelconque, que c'était mieux de ne pas prolonger, alors il faisait sa prière plus courte et plus légère. À d'autres moments, il voulait prolonger sa prière, puis il entendait le pleur d'un enfant, alors il la faisait plus courte. Et ça, c'est rapporté dans les hadiths, dans le Sahih. Donc, ça, c'est la fin de la citation de l'imam an-Nawawi. Le Cheikh, il dit ensuite, وَيُكْرَهُ أَنْ يُخَفِّفَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ تَخْفِيفًا لَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْمَسْنُونِ كَقِرَاءَةِ السُّورَةِ وَالْإِتْيَانِ بِثَلَاثِ تَسْبِيحَاتِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Le Cheikh, il dit, et c'est décommandé, ce n'est pas recommandé de raccourcir la prière, de faire la prière plus courte à un point tel que les gens qui prient derrière l'imam ne sont pas capables d'établir les choses qui sont sunan, c'est-à-dire qui sont recommandées. Comme par exemple, après avoir récité Al-Fatiha, il n'a pas le temps de réciter une autre surah, ou bien de dire trois fois le tasbih, Subhana Rabbi al-A'la ou Subhana Rabbi al-Azim, dans le recours ou dans le sujoud. Donc, si la personne prie trop vite, si l'imam prie trop rapidement, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Ensuite, le Cheikh il dit, وَيُسَنُّ أَنْ يُرَتِّلَ الْقِرَاءَةَ وَيَتَمَهَّلَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّشَهُّدِ بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ من خلفه من الاتيان بالمسنون من التسبيح ونحوه وأن يتمكن من ركوعه وسجوده. Le Cheikh il dit, et c'est recommandé également qu'il récite le Coran selon les règles du tartil, et qu'il prenne son temps dans le tasbih et dans le tashahud, c'est-à-dire il dit ça pas trop rapidement, mais il prend son temps pour bien le dire comme il faut, pour que les gens qui sont derrière lui aient le temps de eux aussi de le dire comme il faut, puis de le faire selon la sunna, et qu'ils aient également le temps de faire le recours et le sujoud comme il faut. Parce qu'il y a des imams, c'est vraiment dommage, mais ils prient, subhanallah, tellement rapidement, on n'a pas le temps de faire les mouvements comme il faut et d'avoir la sérénité dans nos mouvements et la paix quand on le fait. Également, on n'a pas le temps de dire tous les exemples qui sont rapportés dans la sunna, au moins de dire trois fois subhanallah, ou bien de dire les choses qu'on doit dire dans la prière. parce qu'il prie trop rapidement. Ensuite, le cheikh il dit, et il dit ensuite, ويسن للإمام أن يطيل الركعة الأولى لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه. Le cheikh il dit que c'est recommandé pour l'imam de prolonger la première raka'a, et il rapporte les paroles de Abu Qatada, un des sahaba. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prolongeait la première raka'a, et ça c'est muttafaq alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit, wa yustahabbu lil imam idha ahassa bidakhilin wa huwa fi ar-ruku'i an yutila ar-ruku'a hatta yalhaquhu ad-dakhilu fihi wa yudriku ar-raka'a i'alatan lahu ala dhalik lima rawahu Ahmad wa Abu Dawud min hadith ibn Abi Awfa في صفة الصلاة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم ما لم يشق أو ما لم يشق هذا الانتظار على مأموم فإن شق عليه تركه لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. Le cheikh il dit, et c'est recommandé pour l'imam lorsqu'il il sent qu'il y a quelqu'un qui rentre, de prolonger le recours pour donner la chance à la personne qui vient de rentrer d'arriver à temps pour attraper le recours et pour pouvoir attraper la raka'a. Et donc, dans le but de l'aider à faire ça, il prolonge là le recours un peu. Le cheikh il dit que ça c'est rapporté dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmad et Abu Daoud selon Ibn Abi Awfa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la première raka'a, dans la prière de Zohr, et qu'il entendait, c'est-à-dire, c'est comme si il ne se levait pas. C'est-à-dire, il ne se levait pas tant qu'il n'entendait aucun pas. Lorsqu'il n'entendait plus de pas de gens qui rentrent, alors il se relevait. Et le cheikh, il dit toutefois, « Ma lam yashuqqu dhalika al-intidhar ala ma'moum, fa in shaqqa alayhi tarakahu li anna hurmata alladhi ma'ahu a'zam min hurmati alladhi lam yadkhul ma'ahu. » C'est-à-dire que tu fais ça seulement si ça va pas amener une difficulté trop grande pour ceux qui sont déjà dans la prière, parce que si c'est trop long, alors ça va nuire à ceux qui sont en train de prier, ils vont être fatigués dans le recours, et donc c'est mieux de l'abandonner et de pas trop prolonger le recours, parce que le fait de, disons le fait de respecter ceux qui sont dans la prière déjà, c'est plus important que, yani, disons, le droit ou le respect qui doit être donné à ceux qui sont pas encore entrés. Donc ça c'est un peu le sens de qu'est-ce que le cheikh a dit. Ensuite il dit, wabil jumla يجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي إتمام الصلاة وإتقانها. الشيخ il dit que en général l'imam doit donc bien faire attention à l'état des gens qui sont derrière lui et prendre ça en considération, et également il doit faire attention de parfaire sa prière et de la faire comme il faut. ويكون مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بوصاياه وأوامره وأوامره ففيها الخير للجميع. Et donc il doit prendre comme guide dans ça le prophète صلى الله عليه وسلم, et prendre en considération et agir selon ses conseils et ses qu'est-ce qu'il nous a enjoint de faire, et de prendre en considération ses commandements, parce que dans tout ce qu'il nous a commandé, il y a le bien pour tous. Le cheikh il dit, وَبَعْضُ الْأَئِمَّةِ قد يتساهل في شأن الإمامة ومسؤوليتها ويتغيب كثيرا عن المسجد أو يتأخر عن الحضور مما يحرج المأمومين ويسبب الشقاق ويهوش على المصلين ويكون هذا الإمام قدوة سيئة للكسالى والمتساهلين بالمسؤولية فمثل هذا يجب الأخذ على يده حتى يواظب على أداء مهمته بحزم ولا ينفر المصلين ويعطل إمامة المسجد أو ينحى عن الإمامة إذا لم يرجع إلى صوابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. Le Cheikh il dit que il y a certains des imams qui prennent à la légère la position d'imam et qui s'absentent beaucoup et qui ne prennent pas sa responsabilité avec importance. Et donc ils s'absentent de la mosquée beaucoup et ils retardent, ils arrivent en retard pour la prière. Et donc ça crée du tort aux gens qui prient et aux croyants. Et ça fait des divisions et des problèmes. Et donc ça dérange les gens qui veulent faire la prière, etc. Donc cet imam-là, il sera une mauvaise exemple pour les autres. Surtout pour ceux qui sont déjà paresseux ou qui sont négligents de leur responsabilité, ils prennent un modèle en ce mauvais exemple-là, et c'est malheureux. Donc, le cheikh il dit que s'il y a un imam qui est comme ça, s'il y a un imam qui est comme ça, qui s'absente beaucoup et qui est toujours en retard, il faut le prendre par la main. Et c'est-à-dire lui donner le conseil pour qu'il revienne et qu'il fasse les choses comme il faut et qu'il prenne les choses en main de façon déterminée et qu'il ne fasse pas fuir les musulmans et qu'il ne cause pas de tort à la position d'imam, c'est-à-dire qu'il s'absente donc. Le fait qu'il s'absente, il laisse la mosquée sans imam, ça c'est un problème. Donc cette personne-là qui fait ça, qui revient pas au droit chemin, eh ben on doit l'enlever de sa position d'imam et puis mettre quelqu'un d'autre à sa place. Et le cheikh il dit, on demande à Allah de nous donner le succès qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il agrée. Et le cheikh il dit au sujet de la prière des gens, de l'excuse par la suite, il parle des gens qui ont une excuse pour pas pouvoir faire la prière selon les règles de la charia. Par exemple, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui est en voyage, ou quelqu'un qui est sur sa monture, etc. Donc là, on va expliquer cette partie, inshallah. Mais on va pas expliquer, on va juste faire la prière du malade aujourd'hui. Puis demain, inshallah, on continuera avec la prière du voyageur. Inshallah. Donc le cheikh il dit babun fi salati ahli al-a'dar. Un chapitre au sujet des gens qui ont des excuses de la prière au sujet des gens qui ont une excuse pour pas la faire selon toutes les conditions et les règles. Le cheikh il dit أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها فقد جاءت برفع الحرج قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Donc le cheikh il dit que les gens qui sont excusés, ce sont les gens qui sont malades ou qui sont en voyage, ou bien les gens qui ont peur et qui ne sont pas capables d'établir la prière selon la description que les gens qui ne sont pas excusés la font. Et il dit que la sharia et le législateur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, a allégé la situation pour les gens qui ne peuvent pas faire leur prière selon les descriptions données, et on leur demande donc, il s'est donc demandé de leur part de faire leur prière selon leur capacité, et ça, c'est, ça fait partie, disons, de la facilité que donne cette charia, de cette religion de, disons, de samaha, hein, de tolérance. Et le cheikh il dit que il y a beaucoup de choses qui ont été mentionnées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran pour donner l'exemple que Allah veut nous enlever toute difficulté dans les questions religieuses. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 78 dans Surat al-Hajj que il n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion. Et dans le verset 185 de Surat al-Baqarah, hein, Allah il veut pour vous la facilité. Il ne veut pas vous mettre dans la difficulté. Il ne veut pas pour vous la difficulté. Et le verset 286 dans Surat al-Baqarah, il ne met pas sur une personne un poids qu'il ne peut pas porter, ou bien une charge qu'il ne peut pas, disons, porter. Après, il dit, Fattakullah mastata'atum, c'est le verset 16 dans Surat al-Taghabun, et craignez Allah le plus que vous êtes capable. Et après le cheikh il dit wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ila ghayri dhalika min an-nusus allati tubayyin fadlullahi ala 'ibadihi wa taysirahu fi tashri'ihi. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque je vous ordonne un commandement ou que je vous donne un commandement, faites-en ce que vous êtes capable. Et ainsi que d'autres parmi les textes qui montrent le mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, et comment il a facilité la sharia dans, et les législations qu'il nous a commandé de suivre. وَفِي ذَلِكَ مَا نَحْنُ بِصَدَدِ الْحَدِيثِ عَنْهُ وَهُوَ كَيْفَ يُصَلِّي مَنْ قَامَ بِهِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ خَوْفٍ. Le cheikh il dit, et là on va expliquer dans ce qui va suivre comment la personne qui a une excuse de maladie ou de voyage ou de crainte, comment il fait cette personne pour faire sa prière. Le cheikh il dit awwalan salatul marid, premièrement la prière du malade. Salatul marid, إن الصلاة لا تترك أبدا فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما فإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوها في قيامه فلا بأس بذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشيخ الزي que on doit pas abandonner la prière pour aucune raison, jamais. Il dit que le malade, il doit établir sa prière debout. Mais si, même s'il doit, par exemple, s'appuyer sur un bâton ou une canne lorsqu'il est debout, alors il n'y a pas de problème. Il peut faire ça parce que ce qui est une condition pour pouvoir établir quelque chose d'obligatoire, ou qu'est-ce qui est nécessaire pour faire quelque chose qui est obligatoire, devient aussi lui-même obligatoire. Après le cheikh il dit فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة بأن عجز عنه أو شق عليه أو خيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برء والحالة ما ذكر يصلي قاعدا ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة. Le Cheikh, il dit que si tu n'es pas capable de prier, de te tenir debout dans ta prière, hein, du fait que, par exemple, tu as une faiblesse ou bien que c'est trop lourd pour toi ou trop difficile pour toi de te tenir debout, ou bien que tu crois que en restant debout, ta maladie ou ton malaise va augmenter, ou bien que ta guérison va retarder, alors dans un cas pareil, tu peux prier assis. Et toutefois, le fait de ne pas pouvoir se tenir, le fait de ne pas être capable d'être debout ou d'avoir la difficulté à être debout, c'est pas une condition pour avoir la permission de prier assis. C'est pas suffisant que ce soit une petite difficulté. Il faut que ce soit une difficulté apparente. Ok? C'est ça ce que le cheikh explique. Et puis ensuite il dit وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الْفَرِضَةِ صَلَّاهَا قَاعِدًا وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُصُ ثَوَابُهُ وَتَكُونُ هَيْئَةُ قُعُودِهِ حَسَبَ مَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ قِعْدَةً خَاصَّةً. نعم فكيف قعد أو قعد جاز. Cheikh dit, et les ulama ont une différence d'opinion au sujet de celui qui est incapable de rester debout dans la prière obligatoire. Il l'a pris assis et il ne la refait pas. Ok? Et les ulama sont d'accord là-dessus. Tous sont tous réunis là-dessus. Et ça ne diminue pas sa récompense. Parce qu'il n'est pas capable d'être debout. C'est pas comme celui qui prie assis une prière supplémentaire, une prière qui n'est pas obligatoire. Ça, s'il prie assis, il a la moitié de la récompense. Toutefois, celui qui prie une prière obligatoire assis parce qu'il est incapable de prier debout, eh bien celui-là, il n'a pas à le refaire et il a la récompense complète. Et ensuite, il dit le cheikh. Et donc la position dont il se met lorsqu'il est assis, lorsqu'il prie assis, eh bien c'est selon ce qui est facile pour lui et ce qui est possible pour lui, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné de description spécifique sur la prière assis. Donc peu importe comment il est capable de s'asseoir, eh bien c'est permis pour lui de le faire. Après il dit fa in lam yastati' المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه. Le Cheikh il dit que si tu n'es pas capable, si quelqu'un, si le malade n'est pas capable de prier assis, et que ça c'est trop dur pour lui de s'asseoir, et que c'est une difficulté apparente, ou bien qu'il est incapable de le faire, alors dans ce cas-là, il prie allongé sur le côté, sur son côté, et il se place en direction de la Qibla, et il dit que le mieux, c'est qu'il soit sur son côté droit. Mais s'il n'est pas capable de se mettre dans la bonne direction de la Qibla, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour le mettre dans cette direction-là, et qu'il n'est pas capable par lui-même de se placer en direction de la Qibla, alors dans ce cas-là, il prie dans la situation dans laquelle il est. Okay? Il prie vers la direction qu'il est capable. Après, le Cheikh il dit, et s'il n'est pas capable, فَإِذَا لَمْ يَقْدِرُ الْمَرِيضُ أَنْ يُصَلِّ عَلَى جَنْبِهِ, si le malade n'est pas capable de prier sur son côté, تعين عليه أن يصلي على ظهره وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان. الشيخ il dit que s'il n'est pas capable de prier sur son côté, alors il doit prier dans ce cas-là sur son dos. Hein? Il n'est pas capable de se mettre sur le côté, et alors il prie sur son dos. Et ses deux jambes, s'il est capable, il devrait les mettre dans la direction de la Qibla. Le Cheikh il dit وإذا صلى المريض قاعدا ولا يستطيع السجود على الأرض أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا يكفيه الإيماء. Le Cheikh il dit que lorsque si le malade prie assis et qu'il n'est pas capable de faire le sujoud par terre, et s'il n'est pas capable de faire le sujoud par terre, ou bien sur son côté, ou bien sur son dos, comme on l'a dit, alors il imite le mouvement avec sa tête, il fait comme le mouvement de prosternation avec sa tête, pour le recours et pour le sujoud. Et il essaie de faire le mouvement avec sa tête pour le sujoud plus bas que celui qui le fait, comme plus bas que lorsqu'il le fait pour le recours, pour qu'il y ait comme une distinction entre le recours et le sujoud. Après le Cheikh il dit, وَإِذَا صَلَّ الْمَرِيدُ جَالِسَنُ Si le malade prie assis et qu'il n'est pas capable de se prosterner sur le sol, alors c'est obligatoire pour lui si le malade prie assis et qu'il est capable de se prosterner sur le sol, alors dans ce cas-là, il prie et il se prosterne. Et c'est obligatoire pour lui puisqu'il est capable, et c'est pas suffisant pour lui de faire le mouvement avec la tête. Il faut absolument qu'il se prosterne s'il est capable de se prosterner. Et le Cheikh il dit dalil ala jawaz salat al-marid ala hadhihi al-kayfiyya al-mufassala ma akhrajahu al-Bukhari من أهل وأهل السنن من حديث عمران بن حسين قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطيع فصل قاعدا فإن لم تستطيع فصل على جنبك وزاد النسائي فإن لم تستطيع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Le Cheikh il dit que la permission de prier de cette façon-là, comme on l'a mentionné, pour la personne qui est malade, c'est expliqué de façon détaillée dans ce que l'imam al-Bukhari a rapporté, ainsi que les gens des Sunan. Selon un hadith rapporté par Umran ibn Hussein dans Sahih al-Bukhari et d'autres, et ça dit que Umran ibn Hussein a dit qu'il avait un malaise et qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il devait faire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit prie debout, et si tu n'es pas capable, alors dans ce cas-là prie assis, et si tu n'es pas capable, alors dans ce cas-là prie sur ton côté. Et l'imam al-Nasa'i il a ajouté, et si tu n'es pas capable, alors prie allongé. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné le verset dans Surat al-Baqarah, le verset 286, qui dit Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas une charge sur toi que tu ne peux pas porter. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et il a mentionné par la suite, il dit وهنا يجب التنبيه على أن ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحية أو جراحية فيتركون الصلاة بحجة أنهم لا يقدرون على أداء الصلاة بصفة كاملة أو لا يقدرون على الوضوء أو لأن ملابسهم نجسة أو غير ذلك من الأعذار وهذا خطأ كبير لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة إذا عجز عن بعض شروطها أو أركانها أو واجباتها بل يصليها على حسب حاله والله تعالى وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم الشيخ الزيك il est important de mentionner l'erreur que font beaucoup de gens lorsqu'ils sont malades et qu'ils font par exemple des opérations chirurgicales. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils abandonnent souvent la prière sous prétexte qu'ils ne peuvent pas faire la prière de façon complète. Alors le cheikh il dit que si quelqu'un n'est pas capable de faire la prière de façon comme il faut, ou bien qu'il n'est pas capable de faire le wudu, ou bien qu'il y a des impuretés sur ses vêtements, ou quelconque parmi ces excuses là, il dit que ça c'est une grave erreur et que le musulman il n'est pas permis pour lui de laisser la prière et s'il est incapable de faire quelques-unes d'entre ses conditions ou ses piliers ou ses obligations, il l'a pris dans l'état où il est, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah le plus que vous êtes capable. Ensuite le cheikh il dit وبعض المرضى يقول إذا شفيت قضيت أو قضيت الصلوات التي تركتها وهذا جهل منهم أو تساهل فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإمكان ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لأحوال المرضى من ناحية الصلاة وغيرها من الواجبات الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها. Donc le cheikh ici il dit que certains parmi les gens qui sont malades ils disent que lorsque je vais être guéri je vais reprendre toutes les prières que j'ai abandonnées ou que j'ai manquées. Et il dit que ça c'est une ignorance de leur part et que c'est une négligence. Et il dit le cheikh que c'est obligatoire. Le cheikh il dit que c'est obligatoire de faire la prière dans son temps selon la capacité. Hein? Et le cheikh il dit que celui qui il n'est pas permis de la faire sortir de son temps et donc il est important de bien comprendre ça. Eh ben, elle doit prier peu importe la situation dans laquelle elle est et elle ne doit pas dire par exemple qu'elle va reprendre ses prières lorsqu'elle sera guérie ou lorsqu'elle sera capable de se laver ou de faire le wudu comme il faut. Non, elle prie dans la situation dans laquelle elle est. Et le cheikh il dit que dans les hôpitaux, dans les pays musulmans, il faut qu'il y ait des gens qui sont là pour faire conscientiser les malades au sujet de la religion et de leur faire comprendre et prendre conscience des règles qui ont rapport avec la prière et des obligations islamiques pour leur clarifier ces règles-là dans le cas où, lorsqu'ils sont malades, qu'est-ce qu'ils doivent faire. الشيخ الزي وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ الصلاة معذورا واستمر به العذر إلى الفراغ منها أما من ابتدأها وهو يقدر على القيام ثم طرأ عليه العجز عنه أو ابتدأها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليه في أثنائها أو ابتدأها قاعدا ثم عجز عن القعود في أثنائها أو ابتدأها على جنب ثم قدر على القعود فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا ويتبها عليها وجوبا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فينتقل إلى القيام من قدر عليه وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة وهكذا. الشيخ يذكر que tout ce qu'on a expliqué dans ce qui a précédé c'était au sujet de la prière de, des gens qui ont une excuse, et en particulier on a parlé de ceux qui sont malades et qui n'étaient pas capables de prier selon les règles et les conditions et les obligations. Donc on a expliqué que dans leur cas ils doivent prier dans la situation ou dans l'état où ils sont, et jusqu'à ce qu'ils aient donc été guéris ou qu'ils sont capables de revenir à la prière habituelle. Le cheikh il dit, et les exemples qu'on a donnés, c'est les exemples pour les personnes qui commencent à prier alors qu'ils sont capables de la faire comme il faut, puis que tout d'un coup ils sont plus capables de le faire. Hein? Il dit comme si par exemple tu la commences au début, que tu commences à prier, puis tu es capable de prier debout, puis ensuite tout d'un coup tu te sens faible ou que tu es plus capable de te tenir debout, alors tu t'assois. Et le cheikh dit, si tu la commences toutefois et que tu es capable de te lever, et que si tu la commences lorsque tu commences ta prière et que tu n'es pas capable de prier debout, puis durant ta prière tu deviens capable de te lever, alors dans ce cas-là tu te lèves durant la prière. C'est-à-dire, je sais pas, je pense que c'est clair, si tu pries par exemple assis, tu commences ta prière assis, puis durant ta prière tu réalises que tu as la force de te mettre debout, que tu es capable d'être debout, alors durant ta prière tu te lèves et tu continues ta prière debout normal. Le cheikh il dit, puis si tu as commencé ta prière assis, puis que tout d'un coup tu es incapable de t'asseoir durant ta prière, ou si tu as commencé ta prière couché sur le côté, puis par la suite tu es capable de t'asseoir, alors dans ces cas-là, tu te déplaces ou bien tu changes pour la position qui est la plus possible pour toi, ou plus correcte pour toi selon la charia, et tu la complètes dans cet état-là. Selon ta capacité. Et il dit le cheikh que c'est obligatoire de le faire, ta prière dans la position que tu es le plus capable de le faire, dans le sens que si tu es capable de la faire assis, alors ne prie pas sur ton côté. Si tu es capable de prier debout, alors ne prie pas assis. Des choses comme ça dans ce sens-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de l'adorer, il dit fattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah le plus que vous en êtes capable. Donc c'est toujours d'essayer de le faire de la façon la plus correcte selon la capacité. Le cheikh il dit donc que si tu es assis et tu es capable de te lever durant la prière, alors tu te lèves. Et donc si par exemple tu es couché, tu es capable de t'asseoir, alors tu t'assois. Et donc de cette façon-là, et si durant la prière, on va dire, tu commences à prier debout, puis tout d'un coup tu te sens malade, tu te sens faible, que comme si tu as l'impression que tu vas tomber, et bien dans ce cas-là tu t'assois, pendant que tu es en train de prier, tu t'assois par terre, tu t'assois pour continuer ta prière. Ensuite le cheikh il dit, وَإِنْ قَدِرَ عَلَى الْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّهُ يومئ برأسه بالركوع قائما ويومئ بالسجود قاعدا وليحصل الفرق بين الإيمائين حسب الإمكان. Le cheikh il dit, si par exemple tu es capable de prier debout ou assis, et que tu n'es pas capable de faire le rukou et le sujoud, on va dire que par exemple tu as une blessure à la tête ou quelque chose comme ça, tu n'es pas capable de faire ton sujoud, tu n'es pas capable de faire ton rukou, et bien tu es capable de prier assis et debout. Donc dans un cas pareil, tu pries assis, et quand c'est le temps de faire le rukou ou le sujoud, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le mouvement avec ta tête, tu penches un petit peu ta tête comme ça, Hein, et le cheikh il dit donc que lorsque tu vas faire le ruku, tu vas pencher ta tête en position debout. Puis quand tu vas faire ton sujoud, tu penches ta tête en position assis. C'est-à-dire tu t'assois puis tu penches ta tête pour faire une différence entre les deux. Pour faire une différence entre le ruku et entre le sujoud. Après le cheikh il dit walil mariz an yusalli mustalqiyan ma'a qudratihi 'ala al-qiyam إذا قال له طبيب مسلم ثقة لا يمكنك مداوتك إلا إذا صليت مستلقيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جحش شقه وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. Donc le cheikh il dit que lorsque tu es malade et que yani, le cheikh, tu peux prier allongé, même si tu es capable de prier debout, si dans le cas où un médecin musulman qui est fiable te dit qu'il n'est pas possible de te traiter, sauf si tu pries couché, alors dans un cas pareil, alors tu peux prier couché. Parce que yani, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a eu une situation où il a été comme blessé ou quelque chose comme ça et il a dû prier allongé. Également Umm Salama, elle a eu également une situation dans laquelle elle a dû prier de cette façon-là. Et ça c'est mentionné, le cheikh il dit que c'est mentionné par Ibn Abi Shayba et Al-Bayhaqi. Toutefois, j'ai pas pu vérifier ces mentions-là, ces rapports-là, dans ces références-là, parce que j'ai pas malheureusement ces deux références-là, Ibn Abi Shayba et Al-Bayhaqi. Donc, toutefois, selon les règles, qu'est-ce qu'on a expliqué, on peut comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met pas de poids sur nous ou d'obligations sur nous qui sont plus lourdes que qu'est-ce qu'on est capable de prendre, et que la religion est basée sur la facilité et sur disons le fait de rendre l'adoration le plus facile possible lorsqu'il y a une difficulté. Alors dans ces cas comme ça, on sait que si c'est nécessaire et que le médecin qui est musulman et qui est fiable le demande pour le traitement, alors dans ce cas-là il faut le faire, il faut le respecter, Inch'Allah. J'ai vérifié le mot qui était mentionné au sujet de la maladie de Umm Salama qui est mentionné. Pourquoi elle ne pouvait pas prier allongée. Et ça mentionne le mot Ramad. Et quand je regarde la traduction de ça, c'est conjonctivite. Donc ça doit être une maladie, je ne connais pas les détails de cette maladie, mais je pourrais vérifier Inch'Allah plus dans le dictionnaire une autre fois. C'est que donc on a expliqué ça, et le cheikh il dit wa maqam salatu fil islam azim fayutlabu min al muslim bal yatahattamu alayhi an yuqimaha fi halat as-sihha وحال المرض فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها حسب حاله فيجب على المسلم أن يحافظ عليها كما أمره الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. Donc le cheikh ici il dit que la prière dans l'islam c'est quelque chose de grand, comme on a déjà expliqué ça. Et on doit la faire, le musulman il est demandé de la faire, et il doit l'établir, peu importe qu'il soit en bonne santé ou en mauvaise santé. Et elle ne tombe pas, ou disons elle reste obligatoire, peu importe que tu sois malade ou non, et tu l'as pris dans l'état dans lequel tu es, selon ton état. Et donc c'est obligatoire pour le musulman de garder cette prière-là et de la faire comme Allah nous a ordonné de la faire, Ensuite, il y a le deuxième exemple des gens qui ont une excuse pour pas prier selon les détails des règles expliquées dans la définition et dans la description de la prière. Le cheikh il dit ومن أهل الأعذار الراكب صلاة الراكب. Donc il dit ومن أهل الأعذار الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر ويعجز عن الركوب إذا نزل ويخشى فوات رفقته إذا نزل ويخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبع ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض لحديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق وهو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفله من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. الشيخ الزي que dans cette partie-là, il dit que la personne qui est incapable, disons, de... Il dit que la personne qui est sur sa monture, hein, il est sur sa monture et il dit que ça, c'est une excuse pour quelqu'un parfois qui peut pas faire la prière comme il faut parce qu'il n'est pas capable de descendre sur le sol. Il est dans sa monture ou dans sa voiture ou quelque chose comme ça, puis il y a une pluie forte. Ou bien qu'il n'est pas capable de descendre de sa voiture ou de sa monture, ou qu'il croit par exemple, qu'il craint que si il descend, il va perdre ses compagnons de voyage, ou bien si il descend, il craint pour lui-même d'un ennemi ou bien d'une bête féroce, d'un animal, ou des choses comme ça. Il dit dans ce cas-là, il prie sur sa monture. Que ce soit un animal ou autre, yani, peu importe qu'est-ce qu'il utilise pour se déplacer ou pour comme moyen de transport. Et yani, il dit il ne descend pas sur le sol. Il dit ça c'est basé sur un hadith de Ya'la ibn Murrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé dans un endroit avec ses compagnons et il était sur sa monture et puis il y avait de la pluie et le sol était mouillé, etc. Donc, lorsque la prière est arrivée, il a ordonné au muazzin de faire l'azan, et puis il a fait l'iqama, ils ont fait l'iqama, puis là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis devant, sur sa monture, et il a prié sur eux, il a prié pour eux, il a fait l'imam, et il a fait les mouvements avec sa tête, yani, lorsque c'était le temps de faire le sujoud, et le recours, et il faisait toujours le sujoud plus bas que le recours. D'accord. Et ça, c'est rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi. Le Cheikh Al-Albani, il mentionne que l'isnad de ce hadith est da'if. Ok. Donc, l'isnad de ce hadith est da'if. Ok. Ensuite, le Cheikh dit, وَيَجِبُ عَلَى مَنْ صَلْ يُصَلِّ الْفَرِضَ عَلَى مَرْكُوبِهِ لِعُذْرٍ مِمَّا سَبَقْ أن يستقبل القبلة إن استطاع لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. Ça c'est le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour quelqu'un qui prie sur sa monture à cause d'une raison valable, comme on a expliqué, de se diriger vers la qibla s'il est capable à cause de la parole d'Allah dans laquelle dans le Coran lorsque Allah dit le verset 144 dans Surat al-Baqarah, peu importe où vous trouvez, alors tournez vos visages vers la Qibla. Donc le Cheikh il dit c'est obligatoire. ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يقدر عليه لا يكلف به لا يكلف به. Le Cheikh il dit que c'est obligatoire de faire ce qu'il est capable de faire, que ce soit un recours ou un sujoud, ou bien de pencher sa tête pour ces deux-là, c'est-à-dire pour le recours et le sujoud, étant donné qu'il ne peut pas faire le sujoud et le recours comme il faut, il fait le geste, le mouvement avec sa tête, et il doit avoir également la paix quand entre chaque mouvement, il doit bien prendre son temps pour être en paix dans ses mouvements. Et ça c'est basé sur, il dit que comme Allah il nous ordonne de le craindre le plus qu'on est capable dans le Coran, donc ce qu'il est capable il le fait, ce qu'il n'est pas capable de faire, eh ben il n'est pas commandé de le faire. Après il dit, si tu n'es pas capable de te tourner vers la Qibla, alors c'est pas obligatoire pour toi de te tourner vers la Qibla, et tu pries selon la situation que tu es capable. وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه ممكن. Le Cheikh il dit, en ce qui concerne la personne qui est dans l'avion, il prie selon la capacité qu'il a, soit debout ou assis, ou bien il fait son recours et son sujoud avec sa tête selon ce qu'il est capable de faire. Toutefois, il dit, il se tourne vers la Qibla, parce que ça c'est possible. Il est capable de se tourner vers la Qibla. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Barakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.